Le bruit des cabarets. Le bruit des cabarets, la fange du trottoir, les platanes déchus s'effeuillant dans l'air noir, l'omnibus, ouragan de ferraille et de boue, qui grince, mal assis entre ses quatre roues, et roule ses yeux verts et rouges lentement, les ouvriers allant au club, tout en fumant leur brûle-gueule, au nez des agents de police, toi qui dégoûtes, mur suintant, pavé qui glisse, bitume défoncé, ruisseau comblant l'égout, voilà ma route, avec le paradis au bout.